Le 32e Festival des sciences et techniques du ministère des Chemins de fer est ouvert le 14 mars sous la participation des scientifiques, techniciens, membres des groupes de promotion des Trois Révolutions, enseignants et ouvriers du domaine de transport ferroviaire. On y a présenté plus de 120 réalisations scientifiques et techniques. Divisé en sections de mécanique, de construction, de gestion, d'informatique, d'électricité, d'automation et de médecine, le festival se déroule sous forme de l'exposé et de l'exposition des réalisations scientifiques et techniques et des échanges des nouvelles techniques.